Carnet d'adresse, distributeur du livre du cancer On peut guérir, Père Roman Zago, cultivateur d'aloe arborescent, fournisseur de feuilles fraîches, Lille aux plantes, route de Collet, chemin de la Halbaudière, BP 43, 49 120 Chemille, France Tel. 02, 41, 30, 21, 93. Documentation sur demande achevée d'imprimer en mai 2004, pour le compte des éditions ADLE Padoue, Italie, téléphone 0039, 49 871, 37. 40, fax 0039 049 633 088.